Chapitre 2. Naissance de Jean Piteux, Petit Guerne, Fanchette Le Goff, notre éducation chez les demoiselles Luminet. Le même jour et presque à la même heure, mon cousin Jean Piteux vit la lumière au bourg de Paramé. Calme plat autour de son berceau. Rien du tout de cassé. Nous fûmes baptisés ensemble, mais mon parrain fut le propre cordonnier de Monsieur Surcouf, et Jean n'eut qu'un préposé de la douane. Je parie que vous n'avez jamais su pourquoi M. Surcouf avait de l'étoupe au bout de ses bottes. C'est mon parrain qui m'a dit l'histoire. Je n'ai guère reçu de lui que ce cadeau-là et l'étape. M. Surcouf n'aimait pas les fards aux abreloques et casquettes sur l'oreille. C'était un tic qu'il avait de leur parler avec ses bottes. Quand il passait la revue de partance des équipages, il semait les petits cadeaux, des pièces blanches au franc marin, les ruades à la faraudaille. Et comme il avait la goutte aux deux orteils, sans le coton, il se serait fait du mal en ruant. Voilà ce qui n'est pas dans l'almanach du bureau des longitudes. Le surlendemain de ma naissance, tante Le Goff, du cimetière, apporta à maman deux nourrissons à choisir, la petite d'un avocat et la demoiselle du major d'artillerie. Maman les garda tous les deux, et comme tante Piteux n'avait pas plus de lait qu'une roche, Jean vint aussi boire à notre tasse. Ainsi, nous étions quatre à table autour de maman qui ne s'en portait que mieux. Quelle femme c'était tout de même! Elle abreuva cette partie carrée de petit monde pendant 18 mois. Les deux fillettes faisaient plaisir à voir et la dame de l'artillerie, qui payait ses mois en compliments, criait au miracle avec l'accent du midi qu'elle avait, étant de Tarascon. Moi, j'aurais pu servir de modèle à un peintre pour les anges bouffis. Par exemple, Jean était maigre et laid. Il est resté laid et maigre. Tous les piteux sont comme cela. Je n'ai pas besoin de le flatter puisque c'est mon ami intime. Et tout en nous bourrant de santé, n'ayez pas peur. Maman Quimper en gardait pour elle. Nous ne l'empêchions pas de travailler, au contraire. Elle gouvernait sa buvette encore mieux qu'autrefois, et sans lâcher celui de nous quatre qui tenait le tour. Elle vous lançait à 15 pas quiconque n'était pas de son avis sur Monsieur Surcouf, la politique, les droits réunis et les Anglais. D'un autre côté, les châtaignes allaient toujours et, par surcroît, maman avait installé un séchoir pour la morue. Vous croyez que c'était tout? Cherchez une femme comme maman Quimper et vous verrez s'il en reste. Il y avait 15 bouches à la maison, 15 fours, sans compter les malheureux qui venaient quémander à la porte de derrière. Maman les menaçait souvent du balai, c'est vrai, mais il la connaissait, la brave chrétienne. Jamais sa laborieuse main ne serait restée fermée. Et le pain bis, pourtant, était à 4 sous la livre. Bah, maman se coucha plus tard et se leva de meilleure heure. Elle prit son menuisier, comme elle appelait la hache, et fit un trou carré dans l'autre bordage pour ouvrir une seconde boutique. Dans celle-ci, on vendait un peu de tout. Des coiffes et des fichus, des blagues à tabac, des hameçons, du goudron, de la chandelle, et des sabots, et des confitures, et des emplâtres, et jusqu'à des violons. Et cela ne put suffire encore à la dévorante activité de maman. Elle répandit des politesses sur la douane et fit un brin de contrebande. J'ai dit déjà que jurer n'est pas péché dans la marine, frauder non plus à Saint-Malo. Et à Paris? À Paris, à Saint-Malo et ailleurs, que d'honnêtes gens s'émerveilleraient s'ils lisaient seulement une fois leur catéchisme. Maman avait de l'honnêteté, j'en réponds, et surtout de l'honneur. Mais c'était de l'honnêteté et l'honneur de ceux qui ne savent pas. Ce qui était de bon aloi tout à fait en elle, c'était sa vaillance obstinée à l'ouvrage et sa générosité dont elle avait honte un peu. Tout doucement, et comme elle croyait tout honnêtement, sans négliger ses pratiques, ses châtaignes, ni ses enfants, ni ses pauvres, maman Quimper grappillait, bon ou mal an, 200 ou 300 écus, qui en coûtaient bien 2000 au gouvernement. Elle affranchissait du madère et des cigares pour les messieurs, du point d'Angleterre pour les dames, et de la petite faïence de Jersey pour les ménages. Ah, elle rendait bien des services. Seulement, dans ce temps-là, elle avait trop d'affaires pour aller à la grand-messe. Connaissez-vous quelqu'un d'étranger au catéchisme qui ait horreur de tricher le fisc? En France, nous sommes tous ou fraudeurs ou complices. Saint-Malo se prit de respect pour maman Quimper, et papa Quimper ne lui parlait plus qu'à genoux. Elle ne savait pourtant ni lire ni écrire, mais elle avait des principes. Avec un seul principe, un homme fait sa fortune et un État sa gloire. Pour elle toute seule, maman Quimper avait trois principes. Se confier au petit bonheur, c'était, je crois, un nom d'amitié qu'elle donnait au bon Dieu. Pleurer derrière la porte et rire à la fenêtre, cacher son cœur de crainte des voleurs. À bon entendeur, salut. Tout le monde n'a pas mon intelligence, mais ceux qui ne sont pas bouchés tout à fait peuvent retirer 20 000 livres de rente, au bas mot, de la lecture de ses mémoires. Parbleu, Jean Piteux ne passe pas pour un aigle et, avec un seul des principes de maman, il a ramassé... Combien ? Allez votre chemin, toujours tout droit, vous le saurez peut-être. Et duquel des principes de maman fit-il usage ? Cela, on peut vous le dire. Une fois, Piteux cacha si bien son cœur qu'il ne sut plus où le trouver. Jugez quel débarras pour un Piteux. 2 ans après notre sevrage, comme nous devenions, Jean et moi, une trop grande gêne à la maison, nous fûmes mis à l'école chez les demoiselles Luminet, dont la classe, ouverte rue de la Poissonnerie, était renommée dans Saint-Malo. Ces demoiselles Luminet étaient 2 malheureuses vieilles filles de haute taille qui parlaient toujours de l'hôtel et du château qu'elles avaient, je ne sais où, avant la Révolution. Jamais je n'ai rien vu de si maigre qu'elles. L'aînée avait une toux creuse. La cadette toussait en flageolet. Sans cela, on n'eût pas distingué l'une de l'autre, tant leur laideur mélancolique se ressemblait. Il y avait mademoiselle Hippolyte et mademoiselle Camille. Mademoiselle Camille faisait un peu l'enfant et sa sœur l'idolâtrait. L'hiver, elle portait des casaques de matelot. L'été, des camisoles de toile à voile. En toute saison, elles étaient bien chaussées de souliers goudronnés qui avaient fait la pêche à Terre-Neuve. Comme elles avaient passé le temps de l'émigration en Angleterre, elles vivaient à l'anglaise, sans pain, avec du thé au rhum et des pommes de terre bouillies. Leur mobilier consistait en 2 martinets à taper sur les doigts et celui de mademoiselle Camille, qui était coquette, avait des clous dorés aux manches. Chez elle, personne n'apprenait rien. Mais comme elle s'aimait les 2 pauvres vieilles, quand le plat de pommes de terre était trop court, ce qui arrivait souvent, il y en avait toujours une qui disait « C'est étonnant, je n'ai pas appétit aujourd'hui. Ma sœur, soyez assez bonne pour manger ma part ou bien cela se perdra. » Nous étions trop petits, Jean et moi, pour venir à pied de la jeune Émilie. Maman nous apportait le matin dans sa hotte aux provisions qui était grande comme un cabriolet. Le soir, elle nous emportait de même, après avoir débarqué sa cargaison de châtaignes. Nous vivions 12 heures d'horloge à la pension. Pour ce, les demoiselles Luminet recevaient, prix débattu, 20 sous par mois et par tête. Elles avaient comme cela 60aine d'élèves, ce qui suffisait abondamment à leur sécher la peau sur les os. Autant jadis, il y avait des existences princières à Saint-Malo. On dit cela. Le commerce de Saint-Malo équipait des flottes contre l'anglais et certes, René du Guétroin a laissé une gloire aussi éclatante que celle de Jean Bart. Tous 2 ont leur statue à Versailles. On raconte que le capitaine Potier de la Houssaye, le père du fameux matelot de M. Surcouf, se trouvant à la cour du roi Louis XVI, M. de Pourtalès, qui commandait les 100 Suisses, le voulut faire causer. Mais M. Potier ne causait qu'avec les gens de connaissance. Après nombre d'essais inutiles, M. de Pourtalès finit par lui demander si M. Dumollet vivait encore. Point de réponse. Tartèfle, capitaine, vous me direz du moins s'il est vrai que Saint-Malo soit gardé par des chiens. Le roi de France, répondit enfin M. Potier, est bien gardé par les Suisses. Mais tout cela est bien tombé. M. Potier et M. Dumollet sont morts, les chiens aussi les flottes. Les millions de l'Inde ont pris l'habitude d'aller ailleurs. Saint-Malo vivote en tirant par la queue le diable d'économie. Il s'est fait marchand des quatre saisons et aubergiste, détaillant jusqu'aux fruits de ses jardins, qui étaient nobles autrefois, et louant jusqu'au matelas de ses lits aux baigneurs parisiens, trop pauvres pour payer le prix fou de la mère normande. Chez les demoiselles Luminet, il y avait des fils et des filles de bonne maison qui payaient recta leurs 20 sous et oubliaient l'heure des étrennes. Jean fut pris en amitié par le petit d'un armateur qui se faisait faire des gilets neufs avec la soie de ses vieux parapluies. Mais moi, je n'allais pas chez ces gens-là, qui se posaient en bienfaiteurs pour une tartine de pain dur maigrement beurré. J'avais pour ami Petit Guerne, un gentilhomme. La noblesse, c'est comme la croix d'honneur. Ceux qui ne l'ont pas se dessèchent la poitrine à cracher dessus, mais personne ne crachait sur Petit Guerne. Il n'aurait pas fait bon à le tutoyer, non ? Quel beau petit gars ! Je crois qu'il était encore mieux bâti que moi. Et brave ! Un soir que M. Surcouf fut insulté par les baragouins de Jersey dans la basse ville, Petit Guerne, qui n'avait pas encore 12 ans, lui arracha sa canne des mains sans façon pour dauber sur les gredins. Il y en eut 3 qu'on emporta tête en bas. Et fier, quand M. Surcouf voulut lui donner la pièce, il ne se fâcha point, mais il passa disant « Merci, bonhomme Surcouf, vous vous trompez, je suis Petit Guerne. » Et il revint manger la soupe chez maman Quimper. Car s'il refusait la pièce, il acceptait la soupe. On le nourrissait chez nous, autant dire, par charité. Mais j'aurais bien voulu entendre quelqu'un prononcer ce mot charité devant maman Quimper en parlant de son Petit Guerne. Quelle danse ! Il y aurait eu tabac, avancement et justice de paix réunis. Voilà qui demande explication, n'est-ce pas ? Ouvrez donc l'oreille. Petit Guerne était un ancien élève de maman, comme elle appelait ses nourrissons. Le père du Petit Guerne avait nom François-Yves de Guerne-la-Balue, marquis de Tombelaine. Il était mort à l'hôpital, la marquise aussi, et maman disait toujours « Ah, si j'avais eu la jeune Émilie en ce temps-là !» La Bretagne passe pour posséder un certain nombre de gentilshommes qui ont cueilli leur noblesse dans le blé noir, comme on ramasse une pomme. Mais Petit Guerne était un vrai marquis peste. Maman Quimper lui gardait dans son armoire au linge une boîte toute pleine de vieux parchemins qui établissait son droit à de très beaux domaines, malheureusement noyés sous la mer depuis plusieurs centaines d'années. Ses biens étaient situés au large du Mont Saint-Michel, entre le rocher qui porte encore le nom de Tombelaine et les îles Chausset. Il y avait des forêts superbes dans les parchemins, et des tenances et des moulins, sans parler des châteaux. Maman évaluait le tout à 300 000 livres de rente, au bas mot. Par un beau dimanche d'été, elle nous mena une fois tous à Cancale, où elle loua une barque pour visiter la propriété. La mer était un peu houleuse à cause du grand vent qu'il avait fait la veille, mais cela n'empêcha pas maman Quimper de distinguer très bien au fond de l'eau les ailes des moulins à vent et les clochers des paroisses. Elle vit le grand château de Guerne qui avait autant de fenêtres que l'année à 2 jours, et comme elle nous dit de le voir, nous le vîmes tous, excepté Petit Guerne qui riait bonnement. Maman avait envie de le battre, mais comme elle le respectait 2 fois mieux que M. Surcouf lui-même, ce fut mon frère Guénolé qui eut le paquet parce qu'il regrettait Vêpres. Guénolé était pour être d'église. Je ne sais pas si maman nous aimait autant que Petit Guerne. Je crois que non. La tante Piteux mourut que nous avions 7 ans, Jean et moi. Comme il restait seul à la maison, là-bas, il vint demeurer tout à fait chez nous. Nous avions déjà Petit Guerne et aussi cousine Fanchette, que le décès de la tante Le Goff avait laissée orpheline. Papa disait parfois que c'était trop lourd, mais pas devant maman. Celle-là avait grand cœur, quoiqu'elle parlât toujours d'économie. Quand M. Surcouf lui demanda ce qu'il pourrait bien faire pour Petit Guerne, après l'affaire des gens de Jersey, elle répondit « Donnez un joli fusil à l'enfant pour qu'il s'amuse à tirer des courlis sur vos étangs. Il n'a besoin de rien chez nous. » Chacun disait qu'elle aurait mieux fait de le mettre en apprentissage. Mais ce n'était pas son idée. Sûrement, avec ses grands cheveux blonds, légers comme de la soie, et ses yeux bleus qui souriaient si doux, Petit Guerne n'avait pas l'air de quelqu'un à fourrer ses mains blanches dans l'ouvrage. Fanchette était de cet avis-là. Le jour où nous atteignîmes nos 9 ans, moi et Jean, maman nous dit dès le matin. « Avance à l'ordre, tous deux, marmaille !» Nous la suivîmes dans l'entrepont de la jeune Émilie. Nous avions compris qu'il s'agissait d'une épreuve solennelle. En effet, maman nous fit asseoir sur ses genoux, l'un à droite, l'autre à gauche. Nous signifia qu'elle allait nous examiner à fond au sujet de nos études. Bien qu'elle ignorât les premiers éléments des belles lettres, ce n'était pas une chose facile de lui donner le change. Du premier coup, elle toisa notre affaire. Jean savait épeler un petit peu, moi, je ne savais rien du tout. Tel était le bilan de nos progrès depuis 5 ans. Maman n'en parut ni contrariée ni surprise. « Quoi donc ? » dit-elle. « Ces Luminet sont de bonnes filles. On en a eu chez elles juste pour son argent. » À cette époque, tous nos frères et sœurs étaient placés les uns au port, les autres en magasin. Avec Petit Guerne, Fanchette et nous deux, Jean, il ne restait à la maison que Guénolé qui, en attendant le séminaire, faisait le ménage. Les divers trafics de maman allaient tous assez bien et la jeune Émilie vous avait un air de prospérité à faire envie. Maman Quimper ajouta « Ce qu'on apprend dans les écoles ne vaut pas cher. C'est bon pour les fainéants. Moi, j'ai installé mes établissements sans savoir la différence qu'il y a entre un A et un U, pour sûr. Et n'empêche que tu seras riche, petitot, puisque tu es Quimper et Corentin. Rien ne peut s'opposer à ça. Le prix est fait comme pour les petits pâtés. Voici Jean, par exemple. Ce n'est qu'un piteux. Il a affaire d'étudier le pauvre rat pour gratter sa vie. Mais toi, ça ira tout seul. Comment ? On ne sait pas. Pourquoi ? Parbleu ! Parce que ? Et allez donc, au petit bonheur ! » Elle nous fit danser vigoureusement sur ses genoux, puis elle reprit. « Ça dure ainsi depuis le temps du roi Dagobert. Nous avons là-bas en Amérique, je ne sais pas de quel côté, un Quimper, Corentin, qui est mon oncle et le tien aussi, avec canne à sucre, esclaves noirs, café, acajou, clous de girofle, pour des millions de milliasses. Je lui ai fait écrire par le brigadier quand tu es venu au monde. Il sait qu'on a ici un petit Quimper Corentin, 5e garçon, et s'il ne t'envoie pas sa succession à l'article de la mort, c'est qu'il aura une autre idée. Le brigadier radote que la vie est une loterie. Alors, tu as tiré un fameux numéro, voilà tout. Parez à faire attention tous les deux. Es-tu chrétien ? Oui, par la grâce de Dieu, répondîmes nous tous les deux à la fois. Elle parut tout éblouie de notre savoir, et chercha une autre question. N'en trouvant pas, elle reprit. « À toi, Pitou. À quelle heure ce soir la marée ?» Jean, qui était pris de court, hésita. « À toi, Corentin. 8h15, maman. » Elle passa ses doigts dans le bout de sangle qui me servait de ceinture et m'enleva comme une plume en criant. « À la bonne heure, ça vaut mieux que du latin. Quand on s'y connaît au flot et au jusant, on a déjà de la capacité. » « Est-ce que Monsieur Surcouf met jamais son nez dans les livres ? Attention à la manœuvre ! Combien fait un mille de châtaigne à 4 sous le 100 ?» Cette fois, ce fut Jean qui répondit le premier. « 40 sous !» Maman l'embrassa. Elle était la justice même. « C'est bien ça, mon rat » dit-elle. « À toi, Corentin. Voyons. 10 sous de premier achat, 5 sous de voiture, 1 sou de triage. Que reste-t-il pour le marchand sur le mille de châtaigne ?» 24 sous, répondit encore Jean. J'allais le dire, m'écriai-je. Va bien, reprit maman, chacun son talent. Tu riras à la fenêtre, toi, si Jean pleure derrière la porte, et le bon Dieu pour tous. Mais c'est Petit Guerne qui épousera la princesse s'il veut le mauvais sujet. Quelle princesse, maman ? Demandai-je, car je n'en connais aucune à Saint-Malo. La princesse qui est dans l'histoire à Laurent Bruant, répondit-elle. Puis, elle se mit à rire et conclut. Par ainsi, vous en savez tout de même assez l'un dans l'autre. C'est fini d'aller à l'école. Demain, vous serez placé chez Veuve Hélie, dans le commerce. Attrape tous deux à me pêcher des boucs pour le brigadier.